Place Vendôme, un soir. Quelques jours avant la Noël de 1928, je me trouvais un soir en compagnie de l'un de mes amis chez Van Cleef et Arpels, les grands joailliers de la place Vendôme. Dans les deux salles d'exposition du rez-de-chaussée, aussi bien qu'au premier étage, des femmes se pressaient, nombreuses, devant les frêles tables de bois de rose à plateaux de velours gris-bleu, et toutes, vêtues à ravir, souriant aux miroirs ronds encadrés de bronze noir qui leur envoyaient leur image, parées de bijoux splendides, elles avaient dans les yeux cette expression légèrement égarée, révélatrice du trouble rare, de l'espèce d'ivresse que provoque chez les plus réservés la vue des beaux joyaux. Seule, parmi celles qui étaient là, une femme demeurait tranquille et même un peu dédaigneuse. Alors, l'ayant vue, je ne regardais plus qu'elle. Plutôt grande et svelte, sans être mince, elle allait et venait, devant les vitrines et les tables, chargée d'inestimables trésors. Son pas délié, son allure souple, le rythme élégant de son corps décelait une forme parfaitement pure, celle d'une égyptienne antique, dont elle avait d'ailleurs le masque un peu isiaque. Elle était belle et sérieuse avec son teint ambré, ses yeux d'onyx noir et d'émail bleuâtre, son nez fin à la courbe aquiline, ses lèvres bien modelées, quoique peu charnues, son menton, coupé d'une ligne médiane, hachement l'ovale ferme et plein de son visage. À son index droit brillait une seule bague royale. Pour avoir ce regard, cette allure, ce dédain paisible, cette sûreté de soi, pour posséder ce masque calme et ferme, il faut, pensais-je, que cette femme vive une existence singulièrement unie et heureuse. À ce moment, l'élégante inconnue éprouva sans doute le sentiment qu'elle était observée. Elle tourna légèrement la tête et dirigea vers moi un regard clair. Avec un léger sourire, qui rendit charmant ses traits un peu sévères, elle se leva et vint vers mon ami. « Oh, vraiment, vous, à Paris, cher Miss ?» dit-il avec surprise. « Oui, » répondit-elle, « j'arrive de Lisbonne. Mais que faites-vous ici? Attendez-vous quelqu'un ?»« Non, par ma foi. J'attendais, en compagnie de mon ami Gaston Charles Richard, que je vous présente, qu'il y eut un peu moins de monde pour me faire montrer quelques belles pierres. Vous avez mal choisi votre jour. Et vous, Miss, en mission? Non. J'ai achevé celle que j'avais acceptée. Elle a pris fin à Lisbonne, et je suis en vacances. » Elle sourit et ajouta. « J'habite en face, au Ritz. Voulez-vous venir prendre une tasse de thé chez moi? Faites-moi le plaisir d'accompagner votre ami, monsieur, » ajouta-t-elle avec grâce en se tournant vers moi. « Venez, mon cher, » dit mon ami. « Puisque Miss Elsa Van Legel a l'amabilité de vous en prier. » Journaliste et reporter durant 20 années de ma vie, j'ai parcouru le globe entier. Mon ami, chargé d'affaires d'une légation étrangère à Paris, a vécu aux 4 coins du monde. Miss Elsa Van Legel avait voyagé pour le moins autant que nous. La conversation se prolongea longtemps devant le thé. « À quelle nationalité appartient donc Miss Van Legel ?» demandai-je à mon ami quand nous fûmes seuls. « Américaine, sans doute ?»« Non, elle est hollandaise, née aux Indes, néerlandaise. » »« Et que fait-elle dans la simple vie quotidienne ?»« Curieux. » »« Je peux vous répondre qu'elle est très riche et n'a qu'à se laisser vivre de ses rentes, ce qui ne serait qu'à demi-faux. Mais pour vrai dire, elle travaille dur et souvent. »« Bah, à quoi donc ?» Mon ami prit un temps. « Elle dirige une organisation de police privée fondée par elle qui a des bureaux à Londres, à La Haye et à Berlin. » « Comment? Une femme détective? Cette artiste élégante et lettrée? Oui, » dit mon ami. « Et une détective comme il n'en existe pas des douzaines sous la calotte des cieux? Oui, artiste, intelligente, lettrée, fine comme l'ambre, cela va sans dire, et bonne, mais trempée comme un acier, brave jusqu'à la témérité. Ah, si elle consentait à vous conter quelques-uns de ses souvenirs! » Elle y a consenti, non sans quelque hésitation, après m'avoir demandé l'engagement d'honneur que je ne prononcerai pas certains noms, que je ne mettrai pas en cause certaines personnalités. J'y ai souscrit, car ce sont d'authentiques aventures que je rapporte ici, sincères comme un bon reportage et dont on peut retrouver la trace dans les journaux français et étrangers de 1906 à 1928. Le portefeuille de cuir de Russie par Gaston Charles Richard. Chapitre 1er. Miss Elsa Ophelia Juliana Van Legel, fille de Frédéric Van Legel et de Bertha Olivia de Messian, descendant d'un huguenot charentais, exilée lors de l'édit de Nantes, a vu le jour à Batavia, Inde néerlandaise, le 17 février 1883. Sa famille est d'origine frisonne. L'un de ses aïeux fut gouverneur de Leeuwarden. Son père mourut en 1901 à Marne, non loin de Dorn. Elle demeurait orpheline, sans ressources, et ne put achever ses études que grâce à la générosité de Sa Majesté la Reine Wilhelmine. En septembre 1902, elle quittait sa pension avec un mince trousseau, 136 florins dans sa poche, un paquet de livres sous le bras et un brevet d'institutrice dans un tube de fer blanc. Mais elle n'avait pas d'emploi en vue. Elle connut des jours terribles, sans feu, sans pain ou presque, des travaux de famine, des traductions à 5 sous la page de 27 lignes. Cette vie affreuse dura plus d'un an. Ce fut alors qu'on lui proposa une place de surveillante dans une pension de jeune fille en Angleterre, près de Maidstone. Et ce fut là qu'à l'occasion d'un vol insignifiant. Chapitre 2e. Oh ! Qu'a pu causer commettre une telle action ? Ici, chez nous, un vol, dans une maison si respectable. Des mois, la maîtresse de musique et de chant, Mrs. Carolina Anna Mendelssohn, s'était laissée choir dans un fauteuil et contemplait avec des yeux agrandis par la stupeur son armoire à glace, dont la porte, fracturée brutalement à l'aide d'un ringard pique-feu d'assez forte taille, laissait voir le bouleversement intérieur à peu près total. Ça oui, par exemple, ça lui a fallu un fier toupet à celle-là qui a fait le coup. Dit d'un accent convaincu, Kate, la servante à tout faire de la pension Trowbridge. Les deux femmes entre elles formaient le contraste le plus complet. Mrs. Anna Mendelssohn était une petite juive, grasse et replète, au bandeau noir, épais et tombant, bien collé sur les oreilles, au teint d'ivoire jaune, tout uni, aux lèvres minces, proprement vêtue d'alpaga gris, chaussée de souliers plats vernis, ceinturée de cuir gris, mat, et portant une montre d'argent accrochée sur la poitrine par une broche de pâles améthystes. Kate Fowler, la servante, mesurait plus de 5 pieds, et les élèves de la pension prétendaient que l'on prenait la mesure de ses robes sur la grande horloge à gaines en chêne cirée du réfectoire. Jamais lavée et rarement peignée, c'était une assez déplaisante créature qui sentait le torchon sale, l'eau de chlore et trop souvent l'alcool. « De quoi vous mêlez-vous, Kate ?» dit aigrement Mrs. Anna Mendelssohn, en tournant vers la servante, debout sur le seuil de la porte, son impérieuse petite tête. « Vous ai-je donc adressé la parole ?»« De quoi je me mêle ?» répliqua Kate, suffoquée. « Ben, de votre vol, donc, que je me mêle. Vous êtes là, à crier depuis un quart d'heure qu'on vous a volé. Je dis comme vous, et ça vous déplaît, et vous m'attrapez. C'est drôle, ça, vous savez. »« Insolente fille !» répliqua Mrs. Anna Mendelssohn. « Je vous dis de sortir d'ici, vous n'avez rien à y faire, d'autant plus que vous... »« Vous y êtes peut-être trop venu, » ajouta-t-elle entre ses dents. Mais si bas qu'elle eût parlé, Kate, ayant l'oreille fine, avait recueilli le propos. « Non mais dites donc, » fit-elle cramoisie, « dites que c'est moi qui vous l'a volé, votre portefeuille. »« Comment savez-vous que c'est un portefeuille, que l'on m'a dérobé ?» interrogea âprement la maîtresse de musique. Il y eut une rumeur, dans le long corridor où les élèves, tout au seuil de leur chambre, écoutaient cet aigre dialogue. « Comment que c'est que je sais que c'est votre portefeuille qu'on vous a barboté ?» fit Kate, les doigts dans sa tignasse. « Tiens, je le sais parce que c'était votre manie de le tripoter tout le temps et de compter vos banknotes. Je vous ai assez vu souvent le faire et le refourrer là sous vos tas de linge. » Presque au même instant, on entendit toutes les portes se refermer, puis ce fut un léger tintement de clé. « By God !» fit Kate. « V'là les deux sœurs. Expliquez-vous avec elles, Miss Anna, et dites pas que c'est moi qui vous ai barboté votre magot, parce que vous savez, ça irait mal. » Elle s'en alla, entraînant ses sabates, que l'on entendit peu après claquer sur les marches dans l'escalier de service. Mrs. Anna Mendelssohn s'avança sur le seuil de sa porte, car le tintement du trousseau de clés augmentait d'intensité, et bientôt elle saluait, d'une révérence, les deux sœurs Trowbridge, deux missis d'âge respectable, jumelles, et si exactement semblables l'une à l'autre, que l'on n'eût jamais su, en parlant à la première, si on ne s'adressait point à la seconde, sans la précaution qu'elles avaient prise de porter l'aînée Julia une ceinture blanche et la cadette Florence une ceinture bleue. « Que vient-on de nous apprendre, chère Mrs. Anna ?» demanda Julia Trowbridge. « On vous aurait volé de l'argent ? Est-il vrai que l'on ait forcé votre armoire ?» commença Florence. « Hélas ! » gémit Mrs. Anna Mendelssohn, Voyez plutôt, je n'ai touché à rien. Mais je constatais que l'on m'a enlevé un portefeuille en cuir de Russie rouge, portant les initiales de feu mon mari, et qui contenait 200 livres, un peu plus même, en 6 billets de 25 livres et 5 billets de 10 livres. En outre, j'avais une guinée en or du roi Charles IV et une demi-livre du jubilé de la reine. C'était là tout mon bien, hélas, acheva la pauvre femme en portant son mouchoir à ses yeux. « Qui a découvert le vol ?» demanda Julia. « C'est Fanny Wilson, » répondit Mrs. Anna Mendelssohn. « Avant de commencer mon cours, je me suis aperçu que j'avais oublié ici mes notes manuscrites. J'ai prié Miss Wilson d'aller les chercher. Elle est revenue après 10 minutes d'absence, pâle, les yeux égarés, prête à défaillir, et disant que l'on avait forcé la porte de mon armoire. J'ai renvoyé les élèves chez elle, je suis venu ici, j'ai constaté que l'on avait volé mon portefeuille et mon argent. Ah, il est heureux pour nous que ce soit Fanny Wilson qui ait découvert ce vol, dit Mrs. Julia Trowbridge avec un soupir de soulagement. Je m'étonne seulement qu'une fille aussi énergique, aussi sportive, ait montré tant de troubles. Fanny n'a que 17 ans, fit Miss Florence, et c'est encore une enfant. En voyant la porte ouverte, l'armoire forcée, le pique-feu à terre, tout ce linge répandu, elle a dû éprouver, la chère petite, une commotion nerveuse assez forte, c'est très naturel. Tout le monde n'a pas votre maîtrise de soi, Julia. Vous avez raison, dit Julia, flattée du compliment détourné que lui adressait sa sœur. N'empêche que voilà une affaire bien ennuyeuse. Il faut immédiatement avertir la police. Dites-moi, Mrs. Anna, vous n'avez pas personnellement de soupçons ? Non, murmura la maîtresse de musique avec hésitation. Fermez la porte, Florence, dit Julia avec autorité. Puis, s'adressant à Mrs. Anna Mendelssohn, vous soupçonnez quelqu'un, avouez-le, ma bonne amie. Allons, parlez, n'ayez crainte. C'est si terrible, fit la pauvre femme en hochant la tête. Mais parlez donc. Serait-ce sur la nouvelle surveillante, cette Elsa Van Legel, dont l'allure est si misérable, que vous faites peser vos soupçons? Non, je n'ai pas pensé à elle, avoua Mrs. Anna. Je crois plutôt que ce serait cette Kate Fowler. Kate, trop bête pour se faire voleuse, jugea Florence avec dédain. Fit Mrs. Anna Mendelssohn. Quoi, Expliquez-vous, demanda Julia. Eh bien oui, éclata la maîtresse de musique. Je vais tout vous dire. Cette Kate, qui est brutale, bourrue, insolente, était certainement cachée dans quelque recoin quand les élèves et moi nous sommes arrivés ici. Et la première, elle a dit qu'il fallait que celle qui avait fait le coup eût un fier toupet. Puis elle m'a cherché querelle. Enfin, elle a dit que ce n'était pas elle qui avait volé le portefeuille, alors que personne encore, sauf moi, ne savait qu'il s'agissait d'un portefeuille. Je l'ai sévèrement relevée du péché d'insolence et elle a profité de votre arrivée, le tintement de votre trousseau de clés annonçant votre approche, pour filer sur un juron et sur une menace en me disant que ça irait mal si je disais, pardonnez-moi de répéter ces mots horribles, que c'est elle qui m'a barboté mon magot. Chapitre 3e. Le coroner, un grand jeune homme blond très distingué, son secrétaire et un inspecteur de police étaient assis dans le bureau en compagnie des sœurs Trowbridge et de Mrs. Anna Mendelssohn. Et devant le redoutable aéropage se tenait, un peu intimidé, une grande et jolie jeune fille au teint de lait, aux yeux bleus, aux lèvres roses, et dont le front bombé était couronné de cheveux dorés aux boucles indociles. « Miss Wilson, je vous remercie et vous félicite, » dit gracieusement le coroner. « Votre déposition est très claire, et l'émotion que vous avez éprouvée ne vous a pas empêché de juger sainement des choses. Vous pouvez vous retirer. » Fanny Wilson sourit timidement, fit une gracieuse révérence et sortit du bureau. « Miss Wilson est une parfaite jeune fille, » dit Julia. « C'est l'élève la plus fortunée de la pension. Son père, Sir Albert Nicholas Wilson, tient une grosse banque d'affaires dans la cité, mais c'est, ou plutôt c'était, une jeune fille assez peu studieuse, un peu fantasque même, et qui voulait se faire actrice. La discipline de la maison, et j'ose dire, la méthode de redressement moral que nous pratiquons, ont mis bon ordre à tous ces fantasmes. J'ajouterai que Fanny, quoique assez orgueilleuse, a très bon cœur et n'hésite jamais, dans la mesure de ses moyens, à aider une amie ou à secourir une infortune. Une seule question, fit Mason. De combien d'argent dispose-t-elle pour ses dépenses personnelles? Elle dispose 1 livre par semaine. C'est le maximum autorisé par la règle que nous avons établie. Passons, dit Mason. Pouvons-nous voir cette nouvelle surveillante et l'interroger? Florence Troubridge, sur un regard de sa sœur, se leva et sortit. Quelques minutes plus tard, elle rentrait dans la pièce, accompagnant une jeune fille grande, très mince, aux larges yeux noirs, aux paupières bistrées, au teint d'ambre, et dont la lourde chevelure, noir-bleu, tressée en deux longues nattes, dont chacune lui faisait deux fois le tour de la tête, encadrait bien le masque étroit, maigre et fier. Elle était correctement, mais pauvrement vêtue d'une jupe en lainage noir et d'un corsage de même étoffe. Sur les épaules, elle portait une écharpe de laine grise, barrée, aux deux extrémités, de trois larges rayures blancs, brun et violet, qui étaient les couleurs de l'école. Elle salua, avec une sobre grâce, puis, dans une pose calme et simple, attendit, debout, qu'on lui adressât la parole. « Vous vous nommez ?» interrogea le coroner. « Elsa Ophelia Juliana von Legel, née à Batavia en 1883. Je vous remercie. Que savez-vous de ce vol ?»« Exactement rien, sœur, » répondit Elsa. « Êtes-vous allée souvent chez Mrs. Anna Mendelssohn ?»« Une seule fois. » Elsa avait répondu simplement, sans hâte, d'une voix posée, toute naturelle. « Ne saviez-vous pas que Mrs. Anna Mendelssohn gardait chez elle une somme assez forte ?» demanda le coroner. « Non, sœur, comment l'aurais-je su? Je suis depuis peu ici, et Mrs. Anna Mendelssohn ne m'a fait à ce sujet aucune confidence. « Vous êtes étrangère, Miss Van Legel, » dit Mason. « Nous savons que vous n'êtes pas fortunée. N'avez-vous pas été tentée jamais de vous emparer du bien d'autrui ?» Elle eut un amer sourire. « Pauvre étrangère, oui, elle devait être soupçonnée. » C'était naturel et presque inévitable. Des larmes perlèrent aux yeux de la jeune fille. Elle les essuya, puis posa devant le coroner ses clés et son réticule de laine noire. « Je n'ai pas quitté mes élèves d'une heure aujourd'hui, » dit-elle, « sauf pour le lunch que j'ai pris avec les autres surveillantes. Je ne suis pas rentrée dans ma chambre depuis ce matin. Voici mes clés, mon sac. Que l'on fouille chez moi, que l'on fouille mes vêtements, je ne sais rien de ce bol et je n'ai pas pris cet argent. C'est tout ce que je puis dire. » Elle avait parlé avec une simplicité si grande, une dignité si triste, que Mason secoua la tête. « Nul ne vous accuse, » dit-il, « mais je me devais de vous poser cette question. Reprenez tout cela, Miss Van Legel, et retirez-vous. » Elsa obéit en silence. « Allons voir les lieux du vol, » dit le coroner. Chapitre 4e. Mason était l'un des bons inspecteurs de Scotland Yard et comptait à son actif quelques belles arrestations. Il jouissait de la considération de ses pairs et de l'estime de ses supérieurs. Seul, dans la chambre, il allait et venait avec précaution, examinant les empreintes laissées sur le tapis. Puis, il examina de même l'armoire et eut tout à coup un hochement de tête avec un petit sifflement aigu. « Quelque chose ?» interrogea le coroner. « Oui, une marque très nette de main. Mais si je ne m'abuse, de main gantée, et gantée de grand sale, forte patte. « Le pouce est ici très net. »« Venez voir, sœur, » ajouta l'inspecteur, en s'adressant au coroner qui aussitôt obéit. « Très net, » confirma-t-il, après avoir examiné l'empreinte de la main, laissée mise sur la glace, mise sur l'encadrement de celle-ci. « Voulez-vous me permettre de regarder à mon tour ?» fit Julia Trowbridge. Mason fit un signe d'assentiment. La directrice du pensionnat entra dans la chambre, regarda l'empreinte de la main criminelle et dit, très troublée, « Il n'est à ma connaissance qu'une personne ici qui possède une main aussi forte. »« Ah, très bien. Et qui est-ce ? » interrogea Mason. « Kate Fowler, notre femme de service. » Ce ne fut pas une femme, mais une espèce de monstre en fureur, éructant des blasphèmes, des jurons de corps de garde, que les trois hommes amenèrent dans la chambre, une demi-heure plus tard, et non sans peine. « Mais taisez-vous donc, infernale créature ! » dit le coroner, abasourdi devant une telle colère. Mais Kate répliqua. « Je voudrais que ça y soit vous à ma place, et qu'on vous dise que vous avez volé quand vous n'avez pas volé. Moi, que je me crève de travail dans cette sacrée boîte pour élever mes gosses, depuis que mon grand carcan de chevaux m'a quitté. On dit que les banknotes, là, qu'on a trouvées dans ma loge, c'est pas à nous. C'est notre argent, au petit et à moi. On n'a pas volé, on l'a gagné, c'est des billets neufs. Et pas qu'on lui a volé des billets neufs à la chanteuse. Vous dites que c'est les siens, c'est pas les siens, c'est les miens, à moi. 50 livres, oui, que j'ai économisé depuis 8 ans. » Et cette saleté de femme qui dit que c'est à elle, je dois lui flanquer une raclée, moi, vous savez, à la chanteuse, une voleuse, moi. Attends un peu que les chandelles y m'aient lâché. Puis on verra si je lui chiffonne sa perruque, moi. Où sont vos gants ? Dit sèchement Mason. Mes gants, quels gants ? Fit la mégère, interloquée. Vous mettez des gants parfois pour travailler. Oui, parbleu. Quand je fais mes vernis et puis mes cuivres. C'est des anciens gants d'uniforme, mon homme. Bon, où sont-ils? Ils doivent bien être quelque part dans mes poches, dit Kate sidéré. Quoi que vous voulez en faire? Taisez-vous, dit Mason. Il vida en un instant les poches de la femme de service. Pêle-mêle, il en tira les objets les plus hétéroclites. Des chiffons, des clous, un morceau de cire, des bouts de bougie, de vieux gants de daim, de la ficelle, des bouchons, du sucre. Dédaignant le reste, il examina les gants, non sans dégoût. Noirs, huileux, fleurant la sueur, la pâte à polir, la graisse, ils étaient peu ragoûtants. « Mettez-les, » ordonna-t-il en les tendant à Kate, « et n'essayez pas de faire la mauvaise tête, ou bien l'on se chargera de vous calmer avec ça. » Il montrait une matraque en caoutchouc et des menottes. Tout en grommelant, elle passait les gants pendant que Mason repoussait la porte de l'armoire. « Venez ici, » dit Mason. « Là, prenez le pique-feu. Bon. Introduisez-en la pointe là où elle a déjà été mise. Poussez. Bien. Encore. Et la main droite ici. Appuyez. Fort. Ça va. Assez. » Il examinait la seconde empreinte faite au-dessous de la première pendant que l'on réempoignait la femme inquiète et farouche. « Les deux empreintes sont identiques, » dit enfin Mason, en s'adressant au coroner. « Vous pouvez vérifier, sœur. »« Allons, avouez-vous, la femme ?»« Ça vaudra mieux pour vous de plaider coupable. » Kate, les yeux hors de la tête, se débattait avec une fureur sauvage. Les quatre constables, le coroner et Mason, eurent une peine infinie à la maîtriser. Mais brusquement, la malheureuse faiblit, une pensée foudroyante venait de traverser en un éclair son cerveau épais. « Mes gosses, mes petites, faites pas ça au nom du ciel, gentlemen, » gémit-elle. « Qui c'est qui les dorlotera, qui les soignera pendant que je serai à la boîte ?» Julia Trowbridge fit un pas vers elle. « Dis-toi le portefeuille et on vous lâchera, » fit-elle. « Je vous dis que je l'ai pas !» dit Kate, reprise de fureur. « C'est bête à la fin, je l'ai pas, c'est la vérité que je l'ai pas. Qu'on lui donne mes 50 livres à la chanteuse, je veux bien, mais qu'on me fiche la paix. » « C'est bon, fourrez-la au bloc, » dit le coroner en s'adressant au constable. Cette fois, Kate se laissa emmener sans résistance. Même, il fallait la soutenir, car en larmes, secouée par de gros sanglots, elle gémissait à fendre l'âme en s'éloignant dans les couloirs. Chapitre 5e. Le lendemain, dans le grand hall de l'école, Julia Trowbridge réunit les élèves, les surveillantes et les professeurs. « Vous savez toutes, » dit-elle, « ce qui s'est passé. » Catherine Fowler, contre toute évidence, s'entête à nier, imbécilement, alors que tout l'accuse. Comme elle s'obstine à ne pas vouloir dire où elle a caché le portefeuille et l'argent dérobé, elle sera donc très sévèrement punie et fera peut-être 1 an de prison. Ses enfants seront confiés par mes soins à une œuvre d'éducation qui les élèvera charitablement. Mais il faut payer leur trousseau d'entrée. J'estimais qu'il y avait là, de votre part, un geste de charité chrétienne à accomplir. Chacune de vous donnera ce qu'elle pourra. Ma sœur et moi nous parferons la somme si elle est insuffisante. Nous nous inscrivons pour commencer pour 1 livre chacune. Les professeurs s'inscrivirent pour 1/2 sous-brin, les surveillantes pour 1 couronne, et tour à tour, les élèves énoncèrent leurs dons à mi-voix en défilant devant les deux sœurs. Fanny Wilson passa à son tour, dit 2 mots. « C'est beaucoup trop, chère Fanny, » dit Florence. « 2 livres, où les prendrez-vous ? » J'ai 1 livre d'économie et j'abandonne ma livre de la semaine, dit Fanny. Oh, je vous en prie, ne refusez pas. Le soupçon qui avait pesé sur elle avait laissé Elsa lourde de chagrin silencieux et de sourde rancune, et malgré elle, un secret sentiment d'hostilité s'élevait dans son âme contre les sœurs Trowbridge, qui n'avaient pas eu un mot pour la défendre, contre Anna Mendelssohn, dont la dureté de cœur risquait de faire 2 orphelines, contre Fanny même, que la découverte du vol, le don généreux fait en faveur d'Émilie de Louisa, auréolait d'une espèce de nimbe glorieux. Elle se le reprochait, mais malgré elle, un sourd malaise, une rancœur douloureuse lui poignait l'âme. Elle entendait encore les gémissements de la misérable Kate, ses gros sanglots, ses cris lamentables. Elle revoyait la pauvre figure toute blanche, les yeux pleins de détresse, la bouche désolée d'Émilie et de Louisa, ses filles, quand elle les avait emmenées, déjà vêtues de l'uniforme gris, bleu et noir, décent, mais si triste, des orphelines de l'œuvre de l'enfance abandonnée moralement. Elle n'en dormait pas la nuit. Elle se souvenait de tout ce qui s'était passé et mettait sa cervelle à la torture pour chercher qui pouvait avoir dérobé l'argent de Mrs. Anna Mendelssohn. Une nuit, en pleine obscurité, assise dans son lit, Elle se souvint tout à coup que le jour du vol, elle avait vu, au pied de l'escalier qui conduisait à l'étage où était située la chambre de la maîtresse de musique, un seau, en bois laqué de verre, dans lequel, pêle-mêle, étaient entassés des chiffons, des torchons, des possines à frotter. Et nettement, elle revit, posé sur ce tas de torchons, un mouchoir à carreaux, roulé en tampons, un petit bidon d'huile à polir, et les deux gants de peau de daim, les deux horribles gants, noirs, gras, sales, ayant encore la forme pleine des grosses pattes rugueuses de Catherine Fowler qui, à coup sûr, venait de les quitter. Une étrange sensation envahissait Elsa. Elle frissonnait, et glacée, claquait des dents comme si elle eût éprouvé un accès de fièvre paludéenne. Mais en même temps, et comme hors d'elle-même, sa pensée, peu à peu, projetait une lumière éclatante sur ce petit drame domestique. Elle avait déjà douté de la culpabilité de Kate. La fureur bestiale, les protestations maladroites, les propos injurieux de la servante, ses cris, ses gros sanglots ridicules, s'ils n'avaient pas attendri les hommes de police, professionnellement endurcis au spectacle des larmes, avaient ému les fibres les plus sensibles de la pauvre surveillante. Mais si Kate n'était pas coupable, qui donc avait volé? Quelqu'un qui, à coup sûr, avait vu les gants de la servante abandonnés avec le seau au pied de l'escalier, qui... Une sueur d'angoisse mouillait les tempes d'Elsa. Il y avait 60 grandes élèves, de 16 à 20 ans, 8 professeurs, 8 surveillantes, que l'on pouvait soupçonner, outre 3 ou 4 domestiques. Il fallait mettre hors de cause, évidemment, les fillettes de 7 à 14 ou 15 ans, qui n'avaient d'ailleurs pas accès dans le bâtiment où logeaient les grandes. Mrs. Anna Mendelssohn s'était-elle volée elle-même, ou bien Fanny? De l'aveu de Mrs. Anna Mendelssohn, elle était restée à peine 10 minutes absente. En 10 minutes, elle ne pouvait pas courir à la chambre, fracturer l'armoire, voler le portefeuille, et après l'avoir soigneusement mis en sûreté, revenir donner l'alarme. Alors, jamais la conscience, l'intelligence et les nerfs d'Elsa n'avaient été à telle épreuve. Chapitre 6e. Quelques jours plus tard, Fanny et Elsa, après un cours pratique de chimie, étaient restées dans la classe, occupées à ranger éprouvettes, ballons, tubes d'essai et instruments. Elsa travaillait en silence, sans parler à sa compagne. « Que pensez-vous de ce vol, Miss Van Legel ?» demanda tout à coup Fanny, sur qui ce mutisme semblait peser. « Je pense que tout le poids de la faute commise retombera sur les deux pauvres petites, Émilie et Louisa, » dit lentement Elsa. « Comment la voleuse n'a-t-elle pas pensé à cela ?»« Catherine Fowler est une brute, » dit Fanny. « Aussi bien, ne parlais-je pas de Kate. Elle est brutale, c'est vrai. » Mais c'est une brute innocente du vol dont on l'accuse. » Un lourd silence tomba de plomb entre les deux jeunes filles. « Je voudrais faire quelque chose pour ces petites, » dit enfin Fanny, d'une voix altérée par une émotion profonde. « Vous avez déjà été très généreuse envers elles, Miss Wilson. Pas assez. Mais je ne pouvais faire davantage. Est-ce que je pourrais faire verser par mon père un peu d'argent sur leur tête ?»« Sans doute, » dit Elsa. « Je vais lui écrire dans ce sens, ce soir même. C'est très bien à vous, Miss Wilson, » dit Elsa. Et regardant devant elle, dans le vide, les yeux vagues, elle dit à mi-voix, « Vous êtes très bonne, vraiment très bonne. Et si j'osais, je vous demanderai un petit service, bien que cette sorte de chose soit sévèrement interdite par les règlements. » Une vive surprise se peignit sur les traits de Fanny. « Si je le puis, je le ferai pourtant bien volontiers, » dit-elle. « Ne pourriez-vous me prêter 10 livres pour que je puisse acheter une robe plus chaude que la mienne ?» dit tout bas Elsa. « Je n'ai que celle-là, il est bien usé. »« Je le pourrai certainement. Dans 2 jours, je dirai à mon père de me les envoyer, » dit Fanny, les yeux brillants. Quelques 48 heures après cette conversation, la jeune fille, un soir, glissa un billet de 10 livres dans la main d'Elsa. « Ah, si j'osais, » dit Elsa. « Quoi donc ? Vous en demandez 10 encore ? Mon manteau est en piteux état et j'en ai vu un hier, d'occasion, qui me va si bien. « Venez dans ma chambre, » dit Fanny. « J'avais demandé 20 livres à mon père, je vous donnerai les 10 autres. » Elsa suivit Fanny Wilson. Elle prit le second billet, puis dit encore en le tournant entre ses doigts. « Si vous pouviez m'en prêter 10 encore, je vous en serais bien obligé. Vous allez me les donner, n'est-ce pas ?»« Pour le moment, Miss Legel, cela m'est impossible, » dit Fanny, la gorge serrée, devant le regard d'Elsa. « Je ne le crois pas, Miss Wilson, et je crois que vous avez encore beaucoup d'argent. Je crois que vous pourriez encore me prêter 30 livres, sans vous gêner, je le crois fermement. »« Moi, non, je vous jure, je ne vous comprends pas. »« Où est la lettre que votre père vous a envoyée hier, et que vous prétendez avoir reçu ce matin, montrez-la-moi. Votre père y faisait certainement allusion à l'envoi de ces 20 livres. Oui, il me disait qu'il m'enverrait d'autres argent si j'en avais besoin. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait de cette lettre. J'ai dû la déchirer ou la brûler. Vous mentez. Et, la main sur l'épaule de la jeune fille, Elsa dit tout bas. C'est vous qui avez pris le portefeuille chez Miss Anna Mendelssohn. C'est vous qui avez pris les gants de Kate Fowler sur le seau de chiffon au pied de l'escalier. C'est vous qui, les mains protégées par ses gants sales, avez forcé l'armoire pour faire croire un vol crapuleux. À quel moment avez-vous pris le portefeuille? Quel démon vous a poussé à cette détestable action? Pourquoi avez-vous gardé le silence? Fanny fondit en larmes, puis dit faiblement. Vous avez raison. Ce n'est pas le jour où j'ai fracturé l'armoire que j'ai pris le portefeuille. C'est la veille, au matin. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela. Il est là, sur mon armoire, et je n'ai rien pris que ces 2 billets que je vous ai donnés. Et elle ajouta, à voix plus basse. Quand vous m'avez demandé de l'argent, j'ai compris que vous m'aviez deviné. J'espérais que vous me forceriez à vous donner votre part. Prenez le portefeuille, je vous prie, dit Elsa, et hâtez-vous. Chapitre 7e. Fanny obéit, monta sur une chaise, atteignit sur le sommet de son armoire l'objet volé et suivit difficilement Elsa Van Legel dans le bureau des 2 directrices. Comment avez-vous eu l'idée, malheureux enfant, de commettre un acte aussi coupable? Demanda Miss Julia Trowbridge, atterrée. « Tout d'abord, je ne pensais pas voler, » répondit Fanny. « C'est la curiosité qui m'a perdue. J'ai voulu savoir s'il était vrai que Miss Anna Mendelssohn porte un perruque, comme nous le disons entre nous. Je l'ai vue, la veille du jour où tout se découvrit, sortir de sa chambre le matin. Elle était en retard et laissa sa porte ouverte. Ça lui arrivait souvent, quand Kate était dans le corridor. Kate était là, moi aussi, car je n'avais cours qu'une demi-heure plus tard. Pour mon malheur, je m'aperçus que Mrs. Anna Mendelssohn avait oublié ses clés sur son armoire. J'entrai, j'ouvris le meuble, je n'aperçus aucune perruque, mais je vis, dépassant le rebord d'une pile de linge, le portefeuille de cuir de Russie. Je le pris, j'allais l'ouvrir, quand j'entendis dans le couloir des pas précipités, puis, peu après, la voix de Mrs. Anna s'éleva. « Kate, disait-elle, êtes-vous entrée chez moi ?» Je ne sais pas ce que Kate répondit, mais ce devait être assez peu poli, car de nouveau Mrs. Anna Mendelssohn éleva la voix sur un ton irrité. Pendant ce temps, je m'étais pelotonné à terre, derrière le piano, car je savais bien que si l'on m'avait surprise là où j'étais, le portefeuille en main, on m'eût chassé du collège sans merci. Il était temps. Mrs. Anna Mendelssohn entrait. Elle courut à son armoire dont j'avais repoussé la porte tout contre. Elle la ferma à clé, à double tour, et repartit en coup de vent, sans fermer sa porte, en criant à Kate. « J'ai laissé la porte de ma chambre ouverte. N'oubliez pas de la refermer quand vous en aurez fini chez moi. » J'étais atterré. La porte de l'armoire refermée, il ne m'était pas possible de remettre le portefeuille là où je l'avais pris. Qu'allais-je faire? Qu'allait-il se passer? Je me sauvais dans ma chambre, et là, j'ai eu une tentation folle d'aller trouver notre maîtresse de musique et de tout lui avouer. « Que ne l'avez-vous fait ?» gémit Florence Trowbridge. « Je ne l'ai pas fait parce que j'ai ouvert le portefeuille. » répondit tristement Fanny Wilson. Bien que mon père soit très généreux avec moi et que je le représente encore plus généreux qu'il ne l'est, je n'ai jamais eu plus de 5 livres à la fois à ma disposition. Je pensais qu'avec cet argent je pourrais acheter bien des choses, des liqueurs, des sucreries, des cigarettes, des frivolités, offrir un thé à toutes mes compagnes, louer un autocar pour emmener mes amis en excursion. Mais pourquoi avez-vous fracturé l'armoire le lendemain? Parce que j'avais hâte que le vol fût découvert. Il me semblait que tout le monde connaissait mon honteux secret. Et puis, j'eus la pensée de faire dériver les soupçons sur Kate. Elle est grossière, brutale, peu sympathique. Elle est très mal avec Mrs. Anna Mendelssohn. Pourtant, je ne savais comment m'y prendre. Ce furent à la fois Kate et Mrs. Anna Mendelssohn qui m'en fournirent les moyens. Celle-ci, en m'envoyant chercher son cahier de notes manuscrite dans sa chambre, celle-là, en oubliant ses gants sur le seau à chiffon, au pied de l'escalier, comme l'a deviné Miss Van Legel. Je pensais d'abord ne laisser que des empreintes sur la porte. Puis je vis que le pique-feu, plat au bout, pouvait pénétrer entre la porte et le montant de l'armoire à glace, du côté de la serrure. Je saisis le pique-feu, je le poussai dans la fente, un peu sous la serrure, je fis levier, l'armoire craqua. Puis béa fortement. Je tirai sur le battant, et la serrure céda. Tout cela ne m'avait pas demandé 10 minutes. Invraisemblable. Soupira Julia en regardant Florence. « Et c'est une jeune fille de 18 ans à peine, pure, honnête. Qui vous a donné ces idées-là, malheureuse ?»« Je ne sais pas, » dit Fanny tout en larmes. « Mais comment avez-vous acquis la certitude que Miss Wilson était la seule et véritable coupable ?» demanda Julia Trowbridge en se tournant vers Elsa. La surveillante répondit « Tout d'abord, après son entrée dramatique dans la salle de cours, son calme, sa froideur presque anormaux, joint une espèce de roideur volontaire, lors de l'arrestation de Kate, m'avait frappé. Puis ce furent sa pâleur, sa nervosité quand vous parlâtes, dans le hall, du destin d'Emily et de Louisa, sa générosité extrême envers elle, et au matin du départ de ces pauvres petites, cette espèce d'affaissement, d'écrasement, dont elle éprouvait les effets et contre lesquels elle essayait de se défendre. Ce fut alors que le soupçon se glissa en moi. Mais tout cela était d'ordre psychologique, moi-même sentimental. Je voulais une preuve. C'est alors que je sus que vous lui aviez, Miss Julia, fait l'avance d'une livre pour sa souscription, parce que son père était absent de Londres. Je savais que son père seul lui donne de l'argent de poche. Je résolus de savoir si oui ou non elle était coupable. Pour cela, il fallait ruser. Il est de règle, dans le corps enseignant, que maîtresses et surveillantes ne demandent jamais un service d'argent à leurs élèves. J'enfreignis cette règle. Je demandai à Fanny de me prêter 10 livres. Elle accepta tout de suite de le faire, me dit qu'elle les demanderait à son père, qu'il les lui enverrait par courrier et qu'elle me les donnerait. Ce fut ce qui se produisit le surlendemain, en effet. Or, le matin, j'avais guetté l'arrivée du courrier, inspecté toutes les lettres et constaté qu'il n'y en avait aucune pour Miss Fanny Wilson. Pourtant, le soir même, Miss Fanny Wilson me donnait les 10 livres demandés. D'où venait cet argent? Ce billet était à peu près neuf, et c'était de tels billets que l'on avait volé à Miss Anna Mendelssohn. Je poursuivis l'expérience plus loin et demandai 10 autres livres. Miss Fanny me dit de venir dans sa chambre et qu'elle me les donnerait parce que son père lui avait envoyé 20 livres. Alors je lui en demandai 30 autres en ajoutant que je savais qu'elle avait beaucoup d'argent et qu'elle savait bien ce que je voulais dire. J'étais à peu près sûr à ce moment-là que je brûlais, mais je voulais aller jusqu'au bout. Miss Fanny essaya bien de résister à mes exigences, mais devant mes regards assurés, la fermeté de mes propos, elle se troubla, céda, avoua. « Et comment cette affaire prit-elle fin ?» demandai-je à Elsa. Elle eut un bref sourire. « On remit Kate en liberté, naturellement, » dit-elle, et le père de Fanny indemnisa la pauvre diablesse à qui l'on rendit ses 2 filles. Fanny Wilson quitta la pension après avoir demandé pardon à Mrs. Anna Mendelssohn, qui rentra en possession de son cher argent. Mais à la fin de la saison scolaire, on nous remercia, la maîtresse de piano, la servante et moi, car chez nos chers amis d'Angleterre, il ne fait pas bon avoir été mêlé de près ou de loin un scandale. La respectabilité de la pension Trowbridge s'offensait de notre présence. Nous étions, toutes trois, de vivants témoignages de l'erreur humaine. On se sépara doucement de nous. Mrs. Anna Mendelssohn alla professer dans une autre institution. Catherine Fowler disparut dans la masse populaire et je quittai sans regret les tristes ombrages de Maidstone pour gagner cette formidable cité de Londres où je rencontrai un jour celui qui portait la face de mon destin. Ainsi prend fin le portefeuille du cuir de Russie.